Le paon se plaignant à Junon. Fable 17 du livre 2e des fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le paon se plaignant à Junon. Le paon se plaignait à Junon. Déesse, disait-il, ce n'est pas sans raison que je me plains, que je murmure. Le chant dont vous m'avez fait don déplaît à toute la nature. Au lieu qu'un rossignol, chétive créature, forme des sons aussi doux qu'éclatants, est lui seul l'honneur du printemps. Junon répondit en colère. Oiseau jaloux, et qui devrait te taire? Est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soies. Qui te panade, qui déploie une si riche queue et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire? Est-il quelque oiseau sous les cieux plus que toi capable de plaire? Tout animal n'a pas toute propriété. Nous vous avons donné diverses qualités. Les uns ont la grandeur et la force en partage. Le faucon est léger, l'aigle plein de courage. Le corbeau sert pour le présage. La corneille avertit des malheurs à venir. Tous sont contents de leur ramage. Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir, je t'ôterai ton plumage. Fin de Le paon se plaignant à Junon. Fable 17e du livre second des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.